raison dans ses dents potées, de ses pensées, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour il changerait. Un matin de juillet, je suis devenue trop grand pour ses bras. Je réclamais chaque jour blessé une place déjà occupée. J'en ai connu des sourires sauvages, épuisés, à peine grimacés, des égomatiques courbaturés, de se contracter pour un autre. J'ai bien des confidents souterrains, gardiens de mon eau salée. Destination, l'obsédant beauté de ses pensées, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour.